Chapitre 40e. La catastrophe de l'avenue Raphaël renfermait en elle assez d'éléments romanesques et tragiques pour devenir une affaire à sensation. Un adultère, un mari tuant sa femme et l'amant de celle-ci, cette femme, jeune, belle, artiste, parée de toutes les séductions, l'amant, peintre célèbre et connu de tout le monde, le mari, chef d'une maison de commerce dont la réputation était européenne, il y avait là plus qu'il n'en fallait pour passionner la curiosité publique. En 24 heures, l'affaire d'Alifar, ce fut ainsi que les journaux l'appelèrent, abandonnant le titre de drame de l'avenue Raphaël, qui manquait de précision et de scandale, l'affaire d'Alifar passionna l'attention publique d'un bout à l'autre de la France. Dans les salons, dans les cercles, dans les dîners, même dans l'intimité, au coin du foyer, on ne s'occupa, on ne parla que de l'affaire d'Alifar. Et comme toujours, l'opinion se partagea. Tandis que les uns plaignaient la femme et l'amant assassinés pour si peu de choses, les autres, au contraire, les condamnaient et donnaient leur sympathie au mari. « Un homme doit se venger », disaient des maris qui, étant secrètement jaloux de leur femme, profitaient de cette occasion pour affirmer leurs sentiments théoriques et donner ainsi à l'avance à qui de droit une sorte de leçon. N'osant pas dire ouvertement « Voilà comment je ferais en pareilles circonstances », ils prenaient M. d'Alifar pour modèle. Un brave, un homme de cœur et de volonté. Quelques femmes souriaient finement en écoutant ces menaces formidables, tandis que d'autres, au contraire, appuyaient leur mari. Une femme se mettre dans une situation pareille, quelle horreur! Un peignoir en cachemire blanc, les cheveux déroulés, elle ne méritait aucun intérêt, c'était une malheureuse, une malade. Il y avait aussi les bonnes âmes, sincèrement affligées, qui déploraient cette aventure en se plaçant au point de vue religieux. Enfin, d'un autre côté, il y avait les gens d'humeur égrillarde qui trouvaient là un prétexte pour raconter des histoires vraies ou pour placer quelques citations de Molière ou de La Fontaine sur le cocuage. Prouvons que c'est un bien. La chose est fort facile. Mais par-dessus tout, il y avait la classe innombrable et tapageuse des jeunes hommes et des jeunes femmes qui causaient de l'affaire pour le plaisir de parler de choses d'amour, oubliant ce mot d'un père de l'Église que l'adultère est par lui-même si dangereux que le nom seul en est mauvais à prononcer. Cependant, l'affaire d'Alifar serait peu à peu, comme toutes les choses de ce monde, tombée dans l'oubli, si les circonstances au milieu desquelles elle s'était produite n'avaient point été exceptionnellement favorables au bruit et au scandale. Par hasard, en ce moment même, la politique Chaumet et l'agence Havas, ainsi que l'agence Reuters, n'avaient absolument rien à confier à leur fil télégraphique. L'Europe était dans le marasme, l'Amérique dormait, l'Asie fumait l'opium. Chaque matin, dans les journaux politiques, les rédacteurs du bulletin lisaient avec désespoir les feuilles vertes ou roses des correspondances, ne trouvant rien à offrir à leurs lecteurs. Et dans les journaux à information, on en était réduit à faire faire des gammes au premier sujet, sans pouvoir leur donner un air à chanter. On mettait des variétés de 6 colonnes à la 3e page. L'administrateur faisait remarquer chaque jour que la vente au numéro baissait et que les frais de rédaction augmentaient. Les 2 coups de revolver de l'avenue Raphaël, éclatant dans ce silence, avaient été une véritable bonne fortune, et l'on s'était jeté sur l'affaire d'Alifar avec l'avidité d'un radeau de naufragés affamés. Chacun avait eu sa part dans cette manne qui tombait du ciel. Les reporters, en cherchant des nouvelles et des détails caractéristiques, les rédacteurs des tribunaux en donnant des informations judiciaires, les premiers sujets eux-mêmes en démanchant sur la corde de la morale et de la loi. Les journaux sérieux avaient suivi cette impulsion irrésistible, mais obligés de se renfermer dans une réserve que leur honorabilité leur imposait, ils avaient été délaissés du public qui leur avait préféré les feuilles à information. Un journal religieux avait publié un article foudroyant sur ce sujet, et la Révolution avait porté le poids de cette catastrophe. L'attention publique se vautre fortement depuis quelques jours sur une tragédie domestique assez vulgaire et ignoble, jouée entre gens de bonne compagnie, mais en train de descendre et déjà sur la lisière. Le mari a tué sa femme et le complice de celle-ci, un peu par colère, un peu par convenance de rang et par préjugé. C'est une loi du monde qu'il faut tuer sa femme dans l'occasion. L'affaire, autant qu'on peut en juger en ce moment, n'est belle d'aucun côté. Rien à mettre en marbre. Et ainsi, pendant 200 lignes, pour démontrer que la haute bourgeoisie était perdue si elle ne se tournait pas vers Rome, repentante et convertie. Partout, on avait créé, entre deux filets, suivant le terme typographique, une rubrique spéciale à l'affaire d'Alifar, et chaque jour, il fallait remplir les deux ou trois colonnes qui lui étaient réservées. Ce fut ainsi que la France apprit que le convoi du peintre Hérol n'avait été suivi que par une vieille paysanne, sa mère, accablée sous la douleur. Les ordres les plus sévères avaient été donnés pour cacher cet enterrement, et l'on était parvenu à dépister tous les reporters, un seul excepté, qui, en prévision de ces ordres, n'avait pas quitté la loge du gardien du cimetière pendant deux nuits et un jour. Puis ensuite vinrent les nouvelles de Juliette, et pendant 24 heures, il n'y eut plus qu'une seule question qu'on se posa : est-elle morte ? Il n'y avait même pas besoin de nommer la malheureuse femme, le prénom suffisait pour la désigner clairement. Il n'y avait plus qu'une femme en France, Juliette Nélis, madame d'Alifar. Ces nouvelles, naturellement, étaient contradictoires. D'après un journal, elle était perdue sans ressources. D'après un autre, il y avait de grandes espérances de la sauver. On discutait là-dessus, et au betting, on engageait même des paris sur sa vie et sur sa mort. La cote était à 5-2 pour la mort. Les parieurs pour gagnèrent. Elle mourut en effet le deuxième jour, sans avoir repris connaissance. Son dernier mot fut celui qu'elle avait dit à son mari : « Quoi qu'il arrive, que mon fils ne me voie pas. » On voulut cacher son enterrement, comme on avait caché celui d'Hérol, mais les reporters, trompés une première fois, veillaient. Ce cadavre leur appartenait, il appartenait à la curiosité publique. Ils parvinrent à savoir par Madame Nélis, dont la douleur était expansive, le lieu et l'heure de l'enterrement, et quand, au petit jour, au moment de l'ouverture des portes du Père Lachaise, on apporta son cadavre pour le descendre dans le caveau de famille, il se trouva 500 ou 600 personnes qui attendaient sur le boulevard. La malheureuse femme qui avait tant redouté le scandale reçut là son dernier châtiment. Les deux victimes disparues, la curiosité ne fut pas encore satisfaite. On l'entretint et on la nourrit avec des détails rétrospectifs. Les critiques d'art n'avaient point donné, ce fut leur tour. Les articles esthétiques ou biographiques se succédèrent sans interruption. Puis, quand le peintre commença à être usé, on passa à la famille d'Alifar et à la maison de la rue des Vieilles Haudriettes. Ce fut alors que le caissier Lutius devint un personnage important. On sut que tous les soirs il mangeait sa saucisse aux choux à la brasserie Gambrinus, et il eut son cercle d'auditeurs qui l'écouta et le questionna. Malgré ses prétentions à la discrétion et à la prudence, il ne perdait pas une occasion de bavarder et de prendre de l'importance. Par lui, on apprit tout ce qu'on voulut, et l'on put ainsi raconter comment, Madame d'Alifar mère, prise d'inquiétude le jour de la catastrophe, en ne voyant pas revenir son fils, avait été à Passy, avait appris le crime, avait couru chez le commissaire trop tard pour trouver son fils, et n'était arrivée à la conciergerie que pour voir celui-ci entrer au dépôt. Félix lui-même avait eu une place dans ses indiscrétions, et l'on avait rapporté que pour lui expliquer l'absence de son père et de sa mère, on lui avait dit qu'ils étaient en voyage, de sorte qu'il attendait leur retour. Pendant ce temps, l'affaire s'instruisait, et Adolphe avait été transféré à Mazas dans un état d'accablement et de prostration qui rendait les interrogatoires assez difficiles. L'émotion lui coupait à chaque instant la parole. Il perdait le souvenir et la volonté, et il fallait toute la patience du juge d'instruction pour obtenir de lui des réponses à peu près précises. « Je suis un misérable, » disait-il. « Je n'ai voulu les tuer ni l'un ni l'autre, mais je les ai tués. Faites de moi ce que vous voudrez. » Mais son affaire n'était pas si simple qu'il se l'imaginait. Il s'agissait en effet de savoir s'il avait voulu ou n'avait pas voulu les tuer l'un et l'autre, ou seulement l'un et pas l'autre, de manière à établir ainsi la préméditation, ce qui était le point capital. Après quelques jours de détention, Madame d'Alifar obtint la promesse d'une mise en liberté sous caution, mais Adolphe ne voulut pas profiter de cette faveur. « Jusqu'au jugement, dit-il, je dois rester en prison. » Il refusa même de voir sa mère, il refusa aussi le docteur Clos qu'on lui envoya. La seule personne qu'il demanda après lui fut le notaire de la branche. Celui-ci se hâta d'accourir. « Vous l'aimiez, vous l'estimiez, dit Adolphe. Parlez-moi d'elle, dites-moi tout. Dites-moi bien tout. Quand vous reviendrez, vous m'apporterez son portrait. Pas le grand qui est dans le salon, le petit qui est dans notre chambre, celui qui nous a vus ensemble. » Sa mère, qui lui écrivait tous les matins, revenait dans chaque lettre sur le choix d'un avocat, mais il ne voulut aucun de ceux qu'elle lui proposait, et ce fut avec M. Delabranche qu'il arrêta ce choix. « Le talent ou la célébrité n'est pas ce que j'exige, » dit-il. « Ce que je veux, c'est la probité et la délicatesse. Il faut un homme qui me comprenne, qui ne se fasse pas avec mon affaire un piédestal, et qui, pour me sauver, n'accuse pas celle que j'étais assez lâche pour frapper, ni même celui qu'elle aimait. » Alors je vais aller voir Gontaut et lui demander s'il veut vous défendre. C'est l'homme de haute probité morale et de grande délicatesse que vous demandez. Il ne se prodigue pas et ne plaide que dans quelques grandes affaires aux assises, dans les séparations de corps, dans les testaments, dans les drames de famille. Tous ses amis ne sont pas ses clients, mais tous ses clients sont ses amis. Il y a encore une qualité qui doit nous faire désirer son appui, tandis que tant d'avocats affamés de notoriété et de publicité communiquent leurs dossiers aux journalistes, il n'a jamais commis une indiscrétion. Il a horreur du tapage et de la réclame. Pour lui, l'avocat qui dit un seul mot de l'affaire de son client commet un acte de mauvaise foi. Voyez-le alors, mon ami, et quoi qu'il demande, accordez-le-lui. Sur ce point aussi, sa délicatesse m'est connue. Le notaire, en sortant de Mazas, alla chez Gontaut, et celui-ci consentit à se charger de la défense d'Adolphe dans les termes qu'il exigeait. Le malheureux, il aime toujours sa femme. Plus que jamais. L'audience de la cour d'assises sera pour lui épouvantable. C'est à vous de la lui adoucir. Ce n'est pas moi qui dirige les débats, vous le savez, c'est le président. Et qui sera président? Durand de l'Oriferne ou la Martelière? Il faut attendre l'arrêt de la chambre des mises en accusation pour savoir lequel des deux.